écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Je suis à Banga Onana. Le don du Saint-Esprit, tel est le thème de notre message d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit est l'une des trois personnes de la Sainte Trinité. La Bible nous rapporte son œuvre depuis l'Ancien Testament. Il a participé à l'œuvre de la création. Genèse 1, verset 2, déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, préparant ainsi la voie à la parole créatrice et recréatrice de Dieu qui devait recréer notre monde dans sa perfection comme au commencement dans Genèse 1, verset 1. Depuis la création de l'homme par Dieu, le Saint-Esprit habitait en lui. La Bible dit dans Genèse 2, au verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Tant que Dieu ne mettait pas son souffle en l'homme, ce dernier ne demeurait que de la poussière, de la matière et ensuite la nourriture du diable quand la malédiction fut prononcée. Quand l'homme pécha, le Saint-Esprit sortit de lui et il mourut spirituellement. Le Saint-Esprit était toujours avec lui et non en lui. Et il ne venait que de temps en temps sur ceux que Dieu utilisait pour un service particulier. Tous les conducteurs spirituels du peuple de Dieu étaient des hommes et des femmes qui tiraient leur force de l'Esprit de Dieu. Il s'agissait davantage d'une onction divine sur eux que du sceau du Saint-Esprit en eux. Rares étaient alors ceux en qui le Saint-Esprit résidait. Nombre 11, à partir du verset 16. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de toi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. » Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est en toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. La même chose se passa avec Josué dans Nombre 27 au verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit et tu poseras ta main sur lui. Tous les rois établis par Dieu étaient tous oints par lui pour qu'ils aient la capacité divine leur permettant d'accomplir l'œuvre de Dieu, la charge de Dieu. C'est ce qui se passa avec le roi Saül dans 1 Samuel 10 au verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ceux-ci auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi. C'est ce qui se passe dans la vie des serviteurs de Dieu. Ouais. Tout au long de l'Ancien Testament, c'est l'Esprit Saint qui enseignait déjà les Israélites et qui leur communiquait le message de Dieu. Néhémie 9, 20 nous le dit. C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que les prophètes proclamaient la parole de Dieu. Le Saint-Esprit était descendu sur Gédéon dans Juges 6, verset 34, sur David dans 1 Samuel 16, au verset 13, et sur Zorobabel dans Zacharie 4, au verset 6. Dans l'Ancien Testament, après son péché abominable avec Bathsheba et le meurtre de Uri, le mari de cette femme, David suppliait Dieu de ne pas lui retirer son Esprit Saint. Cela se trouve dans le psaume 51. Le prophète Élisée, qui avait reçu une double portion de l'Esprit d'Élie, était tellement oint et rempli du Saint-Esprit que même après sa mort, ses ossements dans la tombe continuaient à être oint et remplis du Saint-Esprit pour ressusciter même les morts qui les touchaient. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne descendait et ne reposait que sur certains individus, les rendant aptes à la guerre, au service ou à la prophétie. On n'assistait jamais à son effusion sur l'ensemble des croyants ou du peuple d'Israël. Ce genre d'effusion sur tous les croyants fut annoncé par Joël dans son chapitre 2, du verset 28 au verset 29, et ne se réalisa que dans le Nouveau Testament. Depuis lors, Dieu voulait régénérer l'homme pour qu'il puisse de nouveau faire de lui son temple permanent, comme à Éden avant la chute. David voulut lui construire un temple, mais Dieu lui dit que ses mains étaient couvertes de sang et que cela le disqualifiait pour lui construire une maison. Mais Salomon, le fils de David, en construisit une. Mais malgré la dédicace solennelle de cette maison avec la gloire de Dieu qui la remplissait, Dieu détruit le temple à cause de l'iniquité de son peuple. Finalement, Dieu déclara qu'il n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Il voulait de nouveau habiter en l'homme, un homme recréé par Jésus-Christ. D'où la promesse du Seigneur dans Jean 14 à partir du verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Tous ceux qui sont nés de nouveau sont devenus des temples du Saint-Esprit, un édifice spirituel. Le Saint-Esprit n'est pas seulement avec eux, comme il est pratiquement avec tout le monde depuis l'Ancien Testament, mais il est désormais en eux. Et 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Alléluia. Déjà, selon Jean 14, lu plus haut, le Saint-Esprit vient en tous ceux qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur et qui croient du cœur et non du cerveau que Dieu l'a ressuscité des morts. Tel n'était pas le cas des disciples avant que le Seigneur ne leur apparaisse en chair et en os après sa résurrection. Marc 16, à partir du verset 9, dit « Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. » Jusqu'à Jean 20, du verset 8 au verset 9, et du verset 19 au verset 21, tous les disciples de Jésus ne croyaient pas encore à sa résurrection. Leur foi était donc vaine et ils ne pouvaient pas encore recevoir en eux le Saint-Esprit promis. Le Saint-Esprit était avec eux, mais pas encore en eux. Jean 14, à partir du verset 15, Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Verset 26. « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » C'est parce que le monde ne connaît pas le Saint-Esprit qu'il ne peut pas recevoir et qu'il ne comprend pas les Écritures qu'il combat et persécute l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Pour tous les religieux, les Écritures sont comme de l'histoire et la géographie, de la bonne littérature contenant certaines choses allégoriques. Il s'agit pour eux d'une culture générale. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas naître de nouveau ni penser comme Dieu. Et ils combattent et persécutent tous ceux qui ont le Saint-Esprit et qui comprennent les Écritures et y demeurent. La Bible dit à tous les enfants de Dieu de ne pas leur ressembler, selon Éphésiens 4, à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est Paul qui parle. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour connaître toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Jean 16, à partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. il voudrait avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le jour de sa seconde ascension, 40 jours après sa résurrection, la première ascension ayant eu lieu le jour même de sa résurrection, selon Jean 20, verset 17, Jésus fait une dernière promesse d'envoi du Saint-Esprit sur tous ceux qui avaient déjà le Saint-Esprit en eux. Acte 1 au verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. En récapitulant, nous retenons des promesses du Seigneur en ce qui concerne le don du Saint-Esprit, qu'il y a trois étapes ou encore trois niveaux de ce don du Saint-Esprit. La première étape, c'est le Saint-Esprit avec nous. 2, le Saint-Esprit en nous. Et 3, le Saint-Esprit sur nous. Jusqu'à ce que certains de ses disciples entrent dans le tombeau vide et surtout jusqu'à ce qu'il leur apparaisse vivant, les disciples ne croyaient pas encore à la résurrection de Jésus-Christ. Ils ne pouvaient donc pas encore recevoir le Saint-Esprit en eux. Et faute de temple du Saint-Esprit, l'Église de Jésus-Christ n'était pas encore née. Le Saint-Esprit était seulement avec tous les croyants, mais pas en eux. Ils étaient encore tous sous la dispensation de la loi, comme les saints de l'Ancien Testament. Mais dès la résurrection de Christ, la Bible nous dit dans Jean 20, après que Jésus soit revenu de sa rencontre au ciel avec le Père, que maintenant Marie de Magdala et tous ses disciples pouvaient désormais le toucher. Cela n'était pas le cas avant que Jésus-Christ ne monte vers son Père et vers notre Père. Jean 20, à partir du verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Verset 6, « Simon Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. » Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Maintenant, le Seigneur ressuscité se montre à Marie de Magdala, qu'il envoie ensuite annoncer la bonne nouvelle aux autres disciples. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 20, à partir du verset 19, dit, « Le soir de ce jour, Jésus avait déjà fait sa première ascension au ciel et il était revenu. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Il ne pouvait pas le leur dire tant qu'il ne croyait pas encore à sa résurrection des morts. Maintenant qu'il croit, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. En soufflant sur eux, le Christ ressuscité, comme à la création dans Genèse 2:7, laisse-les du sceau du Saint-Esprit pour attester qu'il lui appartient désormais à 100%. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Après nous avoir rachetés à grand prix, Dieu met son esprit en nous pour que nous lui appartenions pour toujours. Éphésiens 1 au verset 13 dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Oui, c'est ce qui arrive et qui arrivera dans la vie de tous ceux qui entendent cette parole de la vérité, l'évangile de notre salut, et qui croient. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de ta gloire. Maintenant qu'ils ont en eux le Saint-Esprit, ils peuvent comprendre les Écritures. C'est pour cela que le Seigneur passe les 40 jours depuis sa résurrection jusqu'à son ascension à les enseigner. C'est ce que nous dit Acte 1 du verset 3 au verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Avec votre permission, nous allons donc revenir en détail sur toutes les phases de l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit dans la vie de ses disciples d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Première étape, le Saint-Esprit en nous. Dans Jean 20, à partir du verset 21 que nous venons de lire plus haut, le Seigneur Jésus dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » C'est à ce moment-là que l'Église de Jésus-Christ est née, et non pas à la Pentecôte. La naissance spirituelle des premiers disciples et la naissance de l'Église sont un seul et même événement. Ce n'est qu'à ce moment que les disciples ont pu commencer à jouir des bénédictions de la nouvelle alliance qui était fondée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. En recevant le Saint-Esprit en eux, les disciples recevaient en même temps la vie de Dieu, la vie éternelle. Ils devenaient participants de la nature divine. Ils devenaient un corps spirituel dont Jésus seul est la tête. L'Église de Jésus-Christ venait de naître, Église qu'il continue à bâtir jusqu'à nos jours. L'Église de Jésus-Christ est la communauté de tous les croyants de la Nouvelle Alliance que le lien de la foi et l'action régénératrice du Saint-Esprit unissent d'une façon vitale à Jésus-Christ. Elle est la communauté de tous ceux qui ont la vie éternelle, c'est-à-dire la vie de Dieu. Chers amis qui m'écoutent, si le Saint-Esprit habite en vous, vous êtes membre de l'Église de Jésus. Mais avant cela, les disciples étaient, en théorie, de vrais croyants et des disciples charnels de Jésus. Leur salut reposait donc sur les conditions provisoires établies dans l'Ancien Testament. Si un des disciples de Jésus, tels que Jean, Pierre, Matthieu, Jacques, Nathanaël et les autres, était décédé avant la mort et la résurrection de Jésus, il serait sauvé comme Abraham, Jean-Baptiste et les autres saints de l'Ancien Testament. Le don du Saint-Esprit que Jésus accorde à ses disciples au jour de sa résurrection n'était pas le baptême dans le Saint-Esprit que ces derniers expérimenteront à la Pentecôte. C'était pour la première fois dans la vie des disciples une transmission de la présence régénératrice du Saint-Esprit et de la vie nouvelle provenant de Christ crucifié, enterré et ressuscité des morts le troisième jour. Ils devenaient ainsi des nouvelles créatures en Christ, les choses anciennes étant passées et toutes choses devenant nouvelles. L'expression « il souffla sur eux » fait référence à la régénération, exactement comme à la création dans Genèse 2 au verset 7 que nous avons lu plus haut. Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Les disciples reçoivent le Saint-Esprit en eux au moment de leur salut et doivent ensuite expérimenter le baptême du Saint-Esprit pour obtenir la puissance d'être ses témoins. Nous pouvons aussi appeler cette première phase de la réception du Saint-Esprit promis par l'étape du puits ou encore l'étape de la source. C'est ce que la femme samaritaine avait expérimenté au puits de Jacob. Dans Jean chapitre 4, à partir du verset 9 que nous lisons ensemble, la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser ?» Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. L'eau que Jésus propose à cette femme au puits de Jacob est le salut, la régénération, la vie éternelle. Pour être régénéré, il faut boire cette eau vive que Jésus nous donne. Et personne ne peut continuer à boire de l'eau vive que si elle est en communion constante avec Jésus-Christ lui-même, la source d'eau vive. Dans Jean 7 au verset 37, la Bible dit que l'eau que Jésus nous donne à boire est le Saint-Esprit. Il s'agit donc de la régénération comme dans Jean 20 au verset 22 quand il souffla et donna le Saint-Esprit à ses disciples. Dans Jean 6 au verset 35, Jésus nous dit ceci. « Je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » C'est pour cela que les nés de nouveau peuvent dire dans Colossiens 1 au verset 28 « Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Et dans 1 Jean chapitre 4 au verset 4, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, l'Esprit de Jésus. Dieu voudrait que tous ses enfants soient remplis de la plénitude de Dieu. Il y a une grande différence entre nous et les croyants de l'Ancien Testament. La première personne dans la Bible qui était remplie de la plénitude de Dieu était Jésus-Christ lui-même. Et dans Jean 3 au verset 34, la Bible dit ceci. « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. » Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. À son tour, dans Jean 20, au verset 21, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Il n'a pas dit, « Comme mon Père a envoyé Abraham, Moïse, Josué, moi aussi je vous envoie. » Cela veut dire que nous pouvons fonctionner comme Jésus. C'est pour cela qu'il nous dit dans Jean 14, à partir du verset 11, ce que Dieu n'avait jamais dit à aucun croyant. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Tel Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. Parce que Christ habite désormais en nous, nous avons de lui la même gloire que le Père lui a donnée. Contrairement à l'Ancien Testament, où Dieu ne donnait sa gloire à personne d'autre. Il nous la donne désormais par Jésus-Christ. Le rocher d'Exode 17 que les Israélites buvaient pendant la traversée du désert après leur sortie de l'Égypte est un type de cette eau vive sans laquelle aucun de nous ne peut appartenir à Dieu. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 10, du verset 1 au verset 10. Les enfants d'Israël, pendant leur traversée du désert, ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Chers amis, ne leur ressemblons pas. Il est dangereux de recevoir l'eau de vie que le Seigneur Jésus-Christ nous donne, et après cela, nous allons encore boire les eaux suées de ce monde. Ce nouveau du puits d'Israël parle de notre rencontre avec le Saint-Esprit qui vient en nous, quand nous naissons de nouveau en Jésus-Christ. Parce que le salut vient des Juifs, la Samaritaine et tout son village ont cru à la parole de Dieu et non au programme politique partisan des Samaritains et des Juifs incrédules. Nous expérimentons ce niveau du puits ou de la source d'eau à la conversion. C'est le niveau du Saint-Esprit en nous. Ceci nous introduit dans la deuxième expérience que nous avons avec le Saint-Esprit promis. Il s'agit du niveau du Saint-Esprit sur nous. Acte 1 au verset 4 nous dit ceci. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Chers amis, n'envoyons pas, n'ordonnons pas et ne donnons aucune responsabilité dans l'Église de Jésus-Christ à quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit et de feu. Être né de nouveau et avoir de très bonnes connaissances intellectuelles ne suffit pas pour que nous soyons des monitrices de l'école de dimanche, des dirigeants de cellules de prière, des dirigeants de jeûne, des femmes ou des hommes. Être né de nouveau et avoir de très bonnes connaissances intellectuelles ne suffit pas pour que nous soyons proclamés anciens d'église, pasteurs, prêtres, archevêques, papes ou révérends. Dès que quelqu'un confesse intellectuellement le Seigneur Jésus-Christ et que par ruse le diable retire de lui ses démons d'ivrognerie, de fornication et d'adultère pour un temps, tout le monde le reçoit les yeux fermés en tant qu'enfant de Dieu. Parce que dans l'Église, nous avons négligé les dons de discernement des esprits et de la parole de connaissance que le Saint-Esprit seul nous donne. Nous qualifions les ouvriers et les serviteurs de Dieu selon nos sens, selon notre chair, comme le prophète Samuel l'avait fait du frère aîné de David. Heureusement que le Saint-Esprit l'avait censuré. Il y a des chrétiens qui ne forniquent plus, qui ne boivent plus de l'alcool, qui ne fument plus le tabac, mais qui sont rancuniers, incapables de pardonner et d'aimer, menteurs, paresseux, idolâtres, clients des marabouts et des astrologues, qui croient en même temps en Jésus-Christ, à Mahomet, aux coutumes païennes de leurs ancêtres et aux philosophies ésotériques. Il ne doit pas en être ainsi. C'est ce genre de chrétiens qui sont inspirés par les enfants de Jézabel pour combattre les vrais serviteurs de Dieu, pour leur rendre la tâche difficile, alors que c'est le contraire qu'ils devaient faire. Ce sont plutôt les honneurs, les positions et le commandement qui les intéressent le plus dans le corps de Christ. Chers amis, repentons-nous. Dans Jean 7, du verset 12 au verset 17, les grands diplômés de théologie s'étonnaient en disant « Comment Jésus connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Jésus leur répondit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Chers amis, la même chose se répète dans Actes 4 à partir du verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Il est bon d'aller à l'école, mais ce n'est pas l'essentiel. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Voilà le plus important. Mais comme ils voyaient là près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Parce que Jésus avait quelque chose d'original qu'il avait donné à ses disciples avant tout début du ministère. Il s'agissait de la puissance d'en haut que les diplômes de théologie et les reconnaissances du monde ne peuvent donner. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Cette promesse de la puissance d'en haut survenant sur vous n'est donnée qu'à l'église de Jésus qui est déjà née. C'est ce que le Seigneur avait promis déjà dans Joël 2, à partir du verset 28. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Cela s'est passé à la Pentecôte. Et Jean-Baptiste aussi l'avait annoncé dans Matthieu 3, au verset 11. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. » Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Gloire à Dieu. Le dessein premier du baptême dans le Saint-Esprit consiste à recevoir la puissance, l'onction, la capacité divine permettant de témoigner Christ afin de lui amener les âmes perdues. Le baptême du Saint-Esprit fait de nous des dépositaires de la puissance agissante de Dieu. Marc 16 dit, à partir du verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Chers amis chrétiens, les miracles sont des phénomènes normaux dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, sauf pour les religieux et les non-croyants. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà la carte d'identité spirituelle de tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit et de feu. Le baptême dans le Saint-Esprit est l'une des doctrines essentielles de la Bible. Il est la promesse de Dieu pour tous les convertis. Il est pour tous ceux qui sont déjà nés de nouveau en Jésus-Christ, c'est-à-dire qui ont déjà reçu le Saint-Esprit en eux. Jésus avait dit à son église qui venait de naître de ne pas commencer à rendre ministère avant d'avoir été revêtu de la puissance d'en haut. Aujourd'hui, la religion s'agrandit à coup de milliards, à coup d'intrigues, à coup de puissances ésotériques, à coup de maraboutage, à coup de traditions occultes de nos ancêtres, mais sans puissance de Dieu. Jésus lui-même n'avait pas commencé son ministère avant d'avoir été oint du Saint-Esprit et de force. C'est ce que Actes 10, du verset 38, nous dit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, prêchant, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et c'est lui-même qui dit dans Luc 4 au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Voilà l'évangile. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Beaucoup ne continuent pas jusqu'à ce niveau-là. « Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Pour rendre libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Chers amis, l'évangile de Jésus-Christ doit être total. Au jour de sa résurrection, Christ avait soufflé sur ses disciples et avait dit « Recevez le Saint-Esprit », indiquant ainsi qu'une vie nouvelle leur était désormais accordée. Ils étaient régénérés. Plus tard, il leur a dit qu'ils devaient être revêtus de la puissance d'en haut. Ceci se passa à Jérusalem le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, où des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Parler en d'autres langues non apprises par notre intellect est l'une des preuves que le croyant régénéré et habité par le Saint-Esprit est baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas la seule preuve, mais elle est la plus évidente. Je suis à Banga Unana. Le don du Saint-Esprit, tel est le thème de notre message d'aujourd'hui. Nous avons le cas du grand évangéliste mondial Billy Graham qui incontestablement fut baptisé du Saint-Esprit, mais sans évidence du parler en langue. C'est peut-être pour cela qu'il lui manquait les dons de puissance pour accompagner son ministère, parce que son intelligence et sa compréhension des Écritures ne les trouvaient pas nécessaires. Si Billy Graham avait pu prier en esprit, nous croyons qu'il les aurait aussi eu, ces dons de puissance. C'est la prière régulière en esprit qui active les dons de Dieu en nous, parce que la Bible est formelle là-dessus. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Billy Graham a excellé dans ce domaine et non dans celui qui suit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il confessait lui-même que s'il pouvait recommencer aujourd'hui, il apprendrait et méditerait plus la Bible pour la mettre totalement en pratique. Dieu merci, à travers ces millions d'enfants spirituels, il réalise dans le monde entier tout ce qu'il n'avait pas pu réaliser en son temps. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour son serviteur Billy Graham. Parce que Jésus ne prêchait pas seulement la parole pour le salut de l'âme, mais son ministère assurait le salut intégral, esprit, corps, âme et environnement. Ce que Jésus avait annoncé, il l'a vraiment réalisé dans Matthieu 4 au verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues. C'est bon, plusieurs le font. Prêchant la bonne nouvelle du royaume, plusieurs le font, c'est bien, c'est ce que nous faisons en ce moment. Et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Pourquoi combattons-nous cette deuxième phase? Quel est le pasteur, quel est le prêtre qui peut être content quand son temple est rempli de croyants sincères, mais qui croupissent sous le joug de la maladie et des malédictions héréditaires et culturelles? Parce que Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume, enseignant dans les synagogues, pas dans une seule église, dans toutes les églises. Et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple, sa renommée se répandit dans toute la Syrie, même au-delà d'Israël. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Le diable combat cela aujourd'hui avec la même intensité qu'il le combattait au temps de Jésus. À chaque fois que Jésus guérissait quelqu'un, les dirigeants religieux se levaient contre Jésus pour l'arrêter et pour le tuer. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme le Père l'a envoyé, de la même manière, Jésus nous envoie. C'est le même ordre de mission avec les mêmes ressources. C'est pour cela qu'il nous donne le Saint-Esprit sur nous. Ne partez pas encore, mais attendez que vous ayez reçu la puissance d'en haut. Il s'agit du baptême dans le Saint-Esprit. Une personne peut donc être régénérée, c'est-à-dire avoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire encore devenir enfant de Dieu, mais sans toutefois avoir été baptisé du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, qui est la première plénitude de la puissance d'en haut sur le croyant, lui donne l'assurance et la puissance d'en haut. C'est l'onction pour accomplir de grandes œuvres au nom de Jésus-Christ. C'est pendant cette expérience que le Saint-Esprit distribue ses dons, d'après 1 Corinthiens 12, du verset 1 au verset 12. Le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience unique dans la vie du croyant. Il est entretenu dans la vie du croyant par une vie de sanctification, de prière, de témoignage et d'adoration dans l'Esprit. Parce que l'onction qu'elle nous donne ne vient pas résider en permanence en nous, comme le Saint-Esprit lui-même. Dans Jean 7, à partir du verset 37, Jésus nous dit, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Boire quoi ? Il ne s'agit pas de la bière alcoolisée, ni du whisky, ni du harki, ni du vin de palme. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il s'agit maintenant de fleuves. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Cette deuxième expérience parle du baptême du Saint-Esprit qui est disponible pour tous ceux qui sont déjà nés de nouveau, qui ont déjà expérimenté le niveau de la source d'eau vive. Il s'agit des fleuves d'eau vive qui couleront de leur sein. À la conversion, nous nous connectons à la source d'eau vive et nous buvons le Saint-Esprit. Mais au baptême, nous recevons des grosses vagues du Saint-Esprit et des fleuves d'eau vive commencent à couler de notre sein. N'oublions pas que tant les fleuves que les sources dépendent du climat et des saisons. En saison sèche, les sources et les fleuves tarissent ou baissent de niveau. Et c'est le contraire en saison des pluies. Même si nous avons une source d'eau qui est remplie jusqu'au bord, il y aura toujours certaines activités que nous ne pouvons faire que dans un fleuve et non dans une source ou dans un puits. Quand le niveau d'eau est haut dans un fleuve, nous pouvons y faire plusieurs activités. Nous pouvons y naviguer en pirogue, en chaloupe ou en bateau. Nous pouvons y pêcher. Nous pouvons y produire de l'hydroélectricité. Mais quand le niveau d'eau n'est pas assez haut, nos activités et notre productivité seront en baisse. C'est ce qui s'est passé pendant le ministère d'Élie. Il avait prié et pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie en Israël à cause des péchés du roi Acab et de sa femme Jézabel. Et il y avait donc la mort partout parce qu'il y avait sécheresse. Mais quand Élie pria de nouveau, la pluie revint sur la terre et l'abondance, la prospérité, la richesse et le bien-être revinrent. Je loue Dieu parce que je suis sauvé. L'eau que Jésus m'a donnée est donc devenue en moi une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Je loue Dieu parce qu'ensuite il m'a baptisé du Saint-Esprit et depuis, des fleuves d'eau vive coulent de mon sein pour étancher la soif de la multitude. Malgré tout cela, si je voudrais être productif toute ma vie, si je voudrais produire des fruits qui demeurent, si je voudrais que mes fleuves d'eau vive ne tarissent et ne sèchent pas, je dois rechercher la pluie tous les jours de ma vie sur cette terre. Parce que malgré la source et les fleuves d'eau vive en nous, si nous demeurons dans un climat sec, dans un environnement sec, dans une église sèche, dans une religion sèche, dans une culture où les gens ne veulent pas la pluie ou ne croient pas à la pluie, notre niveau d'eau et d'activité baissera et séchera aussi pour nous entraîner à la mort si personne ne prophétise pour que nos ossements secs revivent comme le prophète Ézéchiel avait prophétisé selon l'ordre de Dieu dans le chapitre 37 de son livre. Au début, quand nous avons été baptisés du Saint-Esprit, notre niveau d'eau était élevé. Nous étions zélés et produisions alors des fruits dignes de la repentance qui demeurait. Et plus tard, nous sommes devenus moins productifs et ensuite improductifs alors que nous continuions à s'aimer. Qu'est-ce qui s'est passé si nous n'avons pas régné le Seigneur Jésus-Christ entre-temps? Ce n'est pas que le Saint-Esprit nous a quittés, mais le niveau d'eau de notre fleuve a baissé et le fleuve a ensuite séché. Parce que nous n'avons plus reçu de pluie depuis longtemps. Si nous voulons toujours être productifs dans notre vie chrétienne, soupirons après la pluie pour que notre niveau et notre débit d'eau soient toujours élevés. Nous devons régulièrement désirer la plénitude du Saint-Esprit. C'est ce que faisaient les apôtres. Dieu nous donne le Saint-Esprit dans sa plénitude. Selon Ésaïe 11 au verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur nous, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Chers amis croyants, les sources et les fleuves en nous dépendent et ont impérativement besoin d'une chose pour leur survie. il s'agit de la pluie qui ne peut venir que d'en haut. La pluie est donc le troisième niveau du Saint-Esprit. Il s'agit de l'onction fraîche. Zacharie 10 au verset 1 nous dit ceci. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps, de l'arrière-saison. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une pluie abondante. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Selon ce passage que nous venons de lire, pour avoir la pluie de l'arrière-saison, nous devons demander, nous devons prier. La pluie de la première saison parle de l'impartition du Saint-Esprit dans la vie des croyants de l'Ancien Testament. La pluie de l'arrière-saison est celle de la Pentecôte, celle de notre ère. Père éternel, au nom de Jésus, nous demandons que la pluie de ton onction tombe dans les fleuves qui coulent de notre sein et qu'elle accroît notre niveau d'eau maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est clair que quand Zacharie parle de pluie, il parle de l'onction du Saint-Esprit. Et dans Joël 2 au verset 23, nous lisons « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. » Il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Nous voyons en esprit Jésus accomplissant une merveille sur la croix. Par ses bras ensanglantés et tendus sur cette croix, Jésus a réuni la pluie de la première saison et de celle de l'arrière-saison en une seule. Quelque chose que plusieurs saints de l'Ancien Testament n'ont pas expérimenté, tel que le parler en langue et son interprétation, nous sont disponibles aujourd'hui. Chers amis, préparons-nous à recevoir une pluie qu'ils n'ont pas connue. Ils ont désiré la voir comme nous, mais en vain. L'onction qui était en Élie, en Élisée et en Moïse, l'onction de la première saison, va maintenant fusionner avec celle qui était en Pierre, Paul, Jean et Philippe, celle de l'arrière saison, pour être déversée sur nous au même moment si nous la demandons dans la prière. Et qu'est-ce qui se passe quand nous recevons cette onction couplée dans nos vies? Nous commençons à fonctionner comme Jésus. Nous commençons à faire les œuvres que Jésus-Christ a faites et nous en faisons même de plus grandes parce qu'il est parti au Père. Nous commençons à marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Nous commençons à chasser les démons. Nous commençons à imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. Si nous arrivons à boire un breuvage mortel de manière accidentelle, il ne nous fait aucun mal. Nous parlons de nouvelles langues, les langues des anges. Notre coupe déborde quand nous avons trop d'onction, trop d'énergie, trop de moyens spirituels, sociaux, intellectuels, financiers et matériels. Quand notre coupe déborde, nos bénédictions, nos finances, notre forme physique, nos bonnes relations débordent. Les enfants d'Israël avaient connu la famine avant d'aller en Égypte et le manque de paille pour fabriquer les briques en Égypte. C'était la situation du manque total. Dieu les avait fait sortir de cette situation de manque et ils étaient entrés dans la situation du juste nécessaire vital. La situation du juste nécessaire pour survivre dans le désert. Et certains se trouvaient malheureusement à l'aise dans cette situation de survie. Chers amis, ne considérons jamais que nous avons réussi ou atteint l'objectif quand nous sommes dans cette situation du nécessaire et vital. Juste assez de nourriture pour notre famille. Juste assez de carburant pour aller au boulot et rentrer. Juste assez de place pour moi, pour ma femme et pour mes enfants. Notre situation du juste nécessaire n'est pas suffisante. Parce que si nous n'avons que ce qui nous suffit, nous ne pouvons pas aider les autres. Notre prière est que Dieu fasse passer son Église de la situation de subsistance, du minimum nécessaire, à celle de la surabondance. Il faut que sa maison soit une maison d'abondance. Jésus-Christ est venu pour que ses brebis soient dans l'abondance. C'est le diable qui ne vient que pour égorger, pour dérober et pour détruire. Quel que soit ce qui nous ont escroqué, dépouillé ou volé, Dieu dit que notre coupe débordera. Quand l'onction se déversera sur nous, l'ennemi nous rendra cette fois plus ce qu'il nous a volé. Nos années, nos promotions et nos terres volées seront restaurées et nous posséderons les maisons que nous n'avons pas construites, les plantations que nous n'avons pas plantées, les puits que nous n'avons pas creusés. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, restaure pour que nous ne soyons jamais plus dans la confusion. La pluie parle d'onction divine, de l'augmentation du niveau d'eau dans nos fleuves, du déversement de la puissance divine. Comme le niveau d'eau d'un fleuve détermine ses diverses capacités fonctionnelles, de même le niveau d'onction dans la vie d'un homme détermine le nombre de personnes qu'elle peut pardonner, qu'elle peut aimer, qu'elle peut porter ou soutenir. L'onction nous rend capable de tenir selon la parole de Dieu. Aucun prophète, aucun roi ne pouvait s'asseoir sur son trône sans cette onction divine. Chaque croyant a besoin de l'onction pour la performance, pour le succès, pour les percées, pour les accomplissements. L'onction est une nécessité absolue pour une vie chrétienne victorieuse. Le nombre de percées que nous expérimentons dans notre vie est déterminé par le niveau de l'onction divine en nous. Si nous sommes loin, le manque de service produira l'avarie de l'onction. Dieu ne pourra maintenir et augmenter son onction en nous que si nous l'utilisons pour sa gloire et pour la bénédiction de toute l'humanité. Certains parmi nous n'ont plus faim et soif de l'onction de Dieu aujourd'hui comme hier, quand nous savions que nous n'étions rien. Parce que nous ne reconnaissons plus que nous sommes des serviteurs inutiles. Et pourtant, nous ne pouvons tout que par le Seigneur Jésus-Christ qui nous fortifie. Parfois, nous nous contentons d'avoir atteint le deuxième étage d'un gratte-ciel, alors que Dieu veut nous amener jusqu'au sommet de cet immeuble. Nous bâtissons nos plans et nos projets en considérant l'ordinaire comme l'optimum ou l'extraordinaire. Sortons tous de nos zones de confort et demandons davantage de pluie pour que nous fassions de plus en plus d'exploits avec Dieu. Ayons sans cesse soif de l'onction divine comme David dans le psaume 42. Et dans le psaume 92 au verset 10, le psalmiste glorifie Dieu en ces mots. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Il s'agit de l'onction fraîche, de la nouvelle pluie qui vient dans le fleuve de nos vies à chaque instant pour maintenir le niveau d'eau élevé. L'onction est comme la manne. Chaque ration ne suffit que pour la journée. Seigneur, je veux une onction appropriée et circonstancielle. Une onction proportionnelle aux défis, aux géants et aux obstacles que je rencontre. Ne me laisse pas combattre les combats d'aujourd'hui avec l'onction d'hier. Oui, parce que je suis loin. Quand l'ennemi viendra contre moi, comme un fleuve, l'onction de Dieu le mettra en fuite. Le jour le plus triste dans notre vie est celui où nous devenons satisfaits de notre niveau actuel et nous démissionnons de sa soif et de la quête permanente de l'onction. C'est pour cela que nous ne devons jamais faire des comparaisons avec les autres. Cela nous diminue. Oui, soyons reconnaissants et rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Disons-lui merci pour le niveau où il nous a hissés à ce jour. Disons-lui merci pour avoir fondé une assemblée vivante de 50 ou de 100 membres au lieu d'une de 500 ou de 1000 membres comme les autres. Disons-lui merci pour la mobilette qu'il nous a donnée au lieu d'une 4x4 climatisée comme les autres. Ne comparons pas notre ministère à celui de quelqu'un d'autre. Chacun de nous est appelé et oint par Dieu pour un ministère spécifique et le timing de Dieu pour chacun d'entre nous n'est pas le même. Si nous comparons notre petite assemblée à celle de notre collègue qui a 500 membres, le jour où nous en aurons 600, nous croirons avoir atteint notre objectif alors que Dieu cherche quelqu'un qu'il va oindre pour gagner toute la ville ou tout le pays à Christ. Et pourquoi pas tout le continent et tout le monde entier. Nous sommes tous d'accord que nous avons besoin de la pluie pour battre tous les records humains et pour faire des exploits avec Dieu. Dieu a sa part, l'onction, et nous avons la nôtre, la sanctification, la soif et la prière. S'il ne pleut pas, le puits devient sec et le niveau d'eau de la rivière baisse. Dans une rivière à grandes eaux, nous pouvons pratiquer la pêche industrielle, produire de l'électricité, porter des bateaux, acheminer des billes de bois. Nous ne pouvons pas naviguer ni nager librement dans un puits, même s'il est rempli. Un puits sec produit la mort. Toutes les églises ne sont pas pareilles. Certaines sont sèches et d'autres encore avec un niveau d'eau où même un ballon de football ne peut surnager. Certaines sont dans des églises où ils ne peuvent pas réaliser certaines choses, où ils ne peuvent pas avoir certaines victoires. Le niveau et le volume de nos activités dépendent du niveau de l'eau dans nos fleuves. Nous pouvons artificiellement remplir un puits et non pas un grand et long fleuve. Nous pouvons facilement contrôler un puits et non un grand et long fleuve. Il n'y a que la pluie qui remplit les puits et les fleuves. La pluie vient d'en haut. Nous devons donc tout faire pour que Dieu augmente le niveau d'eau de nos fleuves. Quand nous sommes baptisés par le Saint-Esprit, nous ne sommes pas seulement puissamment équipés, mais nous pouvons créer de la puissance et produire de plus grands résultats si le niveau d'eau de nos fleuves est haut. Nous passons du temps à demander des choses matérielles à Dieu et beaucoup d'autres choses encore, alors que la chose primordiale que nous devons demander en tant qu'enfants de Dieu est son onction. Sans la pluie, nous serons secs et nous ne pourrons rien produire. Les fleuves remplis ne peuvent pas être égoïstes, ni penser seulement à eux, à leur maison et à leurs enfants. Pourquoi voulons-nous que Dieu nous donne des capacités et de grandes ressources si nous allons les gaspiller, les confisquer ou encore financer le royaume de l'ennemi? C'est pour cela que plusieurs chrétiens charnels demandent et ne reçoivent pas. Jacques 4 au verset 2 nous dit « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Tout fleuve fait des dépôts et donne la vie sur son passage, sans discrimination. Si nous devenons des fleuves à eau profonde, nous ferons des dépôts dans plusieurs villes, dans plusieurs départements, dans plusieurs régions, dans plusieurs nations. Nous ferons des exploits avec Dieu et notre niveau d'eau ne cessera pas de croître. Tout grand fleuve alimente les mers et les océans. Et les mers et les océans alimentent le monde entier. Nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit, mais la plénitude du Saint-Esprit est quand l'Esprit de Dieu nous remplit de l'intérieur jusqu'à faire déborder notre coupe. Et la seule façon de remplir un fleuve est de demander la pluie abondante. Seigneur, remplis-moi par ton Esprit. Remplis tous les auditeurs croyants par ton Esprit. La première chose et la chose la plus importante qui manque à l'Église aujourd'hui est la capacité divine. L'onction du Saint-Esprit, la puissance d'en haut. Pierre était déjà baptisé dans le Saint-Esprit à la Pentecôte. Mais par la prière, il ne cessait de demander la pluie pour que son niveau d'eau ne baisse pas. Dans Actes 4 au verset 8, la Bible dit « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, il s'est mis à prêcher aux dirigeants religieux qui les persécutaient à cause de Jésus. » Mais plus tard, face aux plus grandes conspirations d'Hérode et de Pilate, Pierre et les autres disciples prièrent de nouveau pour un niveau d'eau proportionnel à la nouvelle menace. Ceci se trouve dans Actes 4 à partir du verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Nous avons besoin de l'onction pour cela. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Si Pierre et les autres disciples étaient ici aujourd'hui, la religion et les chefs religieux et les chefs traditionnels et les chrétiens officiels les combattraient en les appelant sectes. Pierre et les disciples priaient après la Pentecôte, eux qui étaient remplis du Saint-Esprit. À chaque nouvelle confrontation, ils priaient Dieu, « Seigneur, vois les menaces des mondains, vois les menaces des cercles ésotériques, vois les menaces des faux frères et des fausses sœurs qui se sont glissés parmi nous pour détruire ton œuvre de l'intérieur. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons. » Chers amis, si vous êtes contre des guérisons au nom de Jésus-Christ dans l'église, repentez-vous pendant que vous entendez ces messages. Si vous êtes contre les miracles et des prodiges au nom de Jésus-Christ dans l'église, repentez-vous. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Si le Seigneur le permet aujourd'hui parce que les chrétiens ont prié, alors le monde prendra les lances et les flèches pour venir tuer les membres de cette église-là qui fait trembler le sol par la puissance de Dieu. Tant que nos prières ne gênent pas le monde des ténèbres, alors nous n'avons pas commencé à prier. Et si nous commençons à prier et que nous voyons des frères ou des sœurs qui viennent nous dire de ne pas prier si puissamment de peur de gêner le monde des ténèbres, commençons immédiatement à prier pour ces frères et pour ces sœurs-là, parce qu'ils ne sont pas avec nous, ils sont avec le monde des ténèbres. Pierre et les autres avaient le Saint-Esprit. Il leur fallait une nouvelle plénitude, une onction fraîche et circonstancielle. Ils l'ont demandé et reçu par la prière. Chers amis, demandons toujours la plénitude. Nous devons suffisamment être affamés pour payer le prix qui déclenchera la pluie sur nous. Et nous n'allons plus nous débattre pour vaincre, car la présence et la puissance de Dieu en nous garantissent la victoire. L'onction est l'habilité d'avoir des résultats dans notre ministère, dans notre profession, dans notre mariage et dans tous les domaines. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la pluie? Exactement ce que Samson avait fait pour vaincre la sécheresse spirituelle qu'il avait envahi quand il s'était fait couper les cheveux et percer les yeux par cet agent du monde des ténèbres qui s'était glissé dans ses draps en qualité de Madame Samson. Samson pria de tout son esprit, de toute son âme et de tout son corps. Et l'onction revint sur lui. Ceci est écrit dans Juges 16, du verset 28 au verset 30. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux qu'ils ont percés. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre était à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Cette puissance est déclenchée ou mise en mouvement quand vous menez une vie de sanctification basée sur la méditation régulière de la parole de Dieu, par le jeûne et la prière, et surtout quand vous parlez régulièrement en langue. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14 au verset 4 que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le mot grec traduit par édifier signifie construire, augmenter, recharger comme on recharge une batterie. Nous devons recharger sans cesse le niveau d'eau, des fleuves d'eau vive qui coulent de notre sein, en parlant en langue, par le Saint-Esprit. Quand nous passons nos moments intimes avec Dieu à parler en langue, nous édifions ainsi notre homme intérieur. Nous faisons tomber de la pluie dans les fleuves d'eau vive qui coulent de notre sein. Jude 1 au verset 20 dit, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. » C'est pour cela que Paul, qui parlait en langue plus que tous ses vis-à-vis, nous exhorte à prier d'abord en esprit avant de prier avec notre intelligence. Ceci est dans 1 Corinthiens 14, du verset 14 au verset 15. Paul nous exhorte à privilégier des prières en esprit par rapport à celles en intelligence humaine. Plus nous prions en intelligence humaine, plus nos prières sont influencées par nos émotions, par nos cinq sens. Elles sont donc davantage charnelles et non spirituelles. Quand nous prions en langue, nous n'avons pas à comprendre ce que nous disons, sauf si nous avons le don d'interpréter, car les paroles viennent du Saint-Esprit à travers notre esprit humain, et à ce moment-là, notre intellect n'a aucun rôle à jouer, parce que nous parlons à Dieu, et non aux hommes, et non à nous-mêmes. C'est Dieu qui nous donne les paroles de la prière, parce qu'il sait mieux que nous, il sait ce dont nous avons besoin avant même que nous les lui demandions. C'est triste de voir qu'il y a beaucoup de chrétiens de nos jours qui ne croient pas toujours au parler en langue. Certains même le censurent et le combattent violemment. Ils ne savent pas qu'ils se privent et privent les autres d'une grande bénédiction et d'un grand avantage que Dieu a mis à notre disposition. Chers frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Pour recevoir le don du Saint-Esprit, il suffit de croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts et de confesser de notre bouche qu'il est Seigneur et notre Seigneur personnel. Car Dieu a tant aimé le monde et il a donné Jésus, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, mort crucifié, Jésus a versé son sang précieux. Enterré, il a vaincu la mort en ressuscitant le troisième jour. Jésus-Christ est vivant pour toujours. Si nous sommes prêts à le confesser de notre bouche, parce que nous croyons de notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors je vous conseille de baisser votre tête et de prier avec moi. Dites simplement, « Seigneur Jésus-Christ, je confesse de ma bouche que tu es Seigneur et je crois de tout mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je me repens de mes péchés et te reçois dans mon cœur. Viens dans ma vie et sois désormais mon seul sauveur et mon seul Seigneur. Merci de m'avoir exaucé. Au nom de Jésus-Christ, amen. » Si vous avez fait cette prière avec moi de tout votre cœur, le Saint-Esprit est venu en vous. Tous les autres niveaux du Saint-Esprit sont maintenant à votre disposition. Il vous suffit de demander. Si vous le voulez, baissez donc votre tête et continuez à prier avec moi en ces termes. Cher Père Céleste, je te remercie pour le don du Saint-Esprit. Maintenant que tu m'as sauvé, baptise-moi du Saint-Esprit et selon ta parole, donne-moi de parler en d'autres langues, selon que ton esprit me donnera de m'exprimer. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis à Banga Onana. Cherchez désormais une église où la Bible, la parole de Dieu, est la seule autorité. Soyez membre de cette église. Rencontrez votre pasteur et racontez-lui votre nouvelle expérience. Aimez Israël et les Juifs et priez sans cesse pour eux. Priez pour la paix et la non-partition de Jérusalem, la ville du grand roi. Que Dieu vous bénisse et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen.